La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Monsieur Jacqueline Doucet, planificateur financier, conseiller en sécurité financière, ainsi que toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet, vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour nous rejoindre, contactez le 418-276-6170. Vous voulez faire un bon repas pendant la période des fêtes? L'équipe du Salon de viande Besson est là pour bien vous conseiller. Nous possédons un comptoir de viande fraîche et un personnel courtois. Joyeux Noël et bonne année de la part du Salon des viandes Besson. Situé au 319 boulevard Dequin d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-6737. Et n'oubliez pas de consulter notre page Facebook. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5838. Mais il y a quand même une chronique des castors de Dolbeau avec l'instructeur-chef Daniel Tremblay. Salut Daniel! Salut Dany, oui, ça va bien? Ça va bien Daniel. C'était le gros match contre le Marcos Pop de Saint-Félicien. C'était une victoire. C'était une belle victoire de 1-0. Écoute, comme tu le mentionnes, ça a été une très belle victoire. Ça a été un très gros match. Ça a été, les gens ont été assis sur le bout de leur siège du début à la fin. Ça a été 0-0 jusqu'à 7 minutes de jeu avant la fin de la troisième période. Okay. Donc, ça a été un bon spectacle, un match très rapide. Les gardiens ont fait la différence des deux côtés. Puis, la discipline était de mise aussi d'un bord comme de l'autre. Okay. Donc, ça a été un très, très beau match. Est-ce que 1-0, ça veut dire que ça jouait serré en maudit? Ben, écoute, nous, on s'était donné un système de jeu. On s'est préparé en conséquence de type de joueurs que les Marcos ont. Donc, on avait une stratégie en ce sens. Puis, eux, je crois aussi que David avait donné ses consignes là, vraiment claires par rapport à l'utilisation de certains joueurs. Donc, ça a été vraiment, vraiment bien. C'est le match à l'affiche, je crois, sur le site. Il n'y a pas d'autre. Donc, ça terminait la période des fêtes comme ça. T'es en avance au classement POC sur le Marcos Pop. Je pense que t'es quoi? T'es septième, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que t'es vraiment surpris à la pause des fêtes? C'est ça. À la pause des fêtes que tu te ramasses au septième rang? Ben, en fait, non, je suis pas surpris parce que, comme je te l'ai déjà mentionné, moi, je m'étais fixé des objectifs, au quart de la saison, à la mi-saison, puis à la fin de la saison. Puis comme on est parti là, on est fier dans nos objectifs. Qu'on soit en avance sur le Marcos Pop au classement Pop, ben, je pense que c'est merveilleux. Chapeau à tous les joueurs. Puis, comme je leur mentionne toujours à mes joueurs, le pire est à venir. Parce que ce qui est passé est réglé, mais ce qui s'en vient, ce qui s'en vient, c'est ce qui est le plus dur toujours. Il faut maintenir nos bons coups. Ce qui est passé en arrière, on ne peut plus y toucher, mais l'avenir, il faut continuer à être focus sur les stratégies, il faut focus sur le système, il faut continuer à être une équipe disciplinée, puis il ne faut surtout pas se trouver bon. Ah, c'est clair. Puis c'est le danger qui guette ton équipe, hein? Tu sais, il veut dire, il y en a qui ont connu les années de vache maigre, là, ils sont vraiment, ils reprennent sur l'autre côté. Donc, c'est un danger, ça, là. Ben, effectivement. Puis, on a connu une défaite là, 5 matchs, je crois. Puis, j'étais pas content de la défaite parce que c'est pas un mot qui va bien dans ma bouche, défaite. Sauf que, à un moment donné, des fois, ça fait du bien de recamper les choses, puis de, tu sais, parce qu'on avait subi une défaite en jouant extrêmement bien. Selon moi, ça avait été notre meilleur match de la saison. Puis on avait quand même réussi à perdre 3-2, 3-1. Donc, moi, je trouve que ça tombait comme bien parce que tu perds pas de façon déshonorable. Tu as très bien travaillé. Mais ça veut dire, quand les gars, c'est jamais acquis. Tu as beau faire 60 lancers d'un match, s'il y en arrête à 59, ben, il faut que tu en fasses deux pour gagner les deux ans. OK. Donc, c'est la période des fêtes. Comment tu vas préparer ton équipe? Ben, écoute, on a seulement qu'une pratique le 2 janvier. Okay. Parce que bon, c'est difficile un peu d'avoir des places dans le temps des fêtes. Puis moi, avoir des pratiques, puis que des entraînements, puis que avoir des entraînements, puis que j'ai pas toute mon équipe là, ben j'aime pas ça parce que moi, les pratiques sont toujours tous obligatoires pour tout le monde. Okay. Ça, ça a été une règle de départ, puis ça va être de même jusqu'à la fin de la saison. Parce que quand tu pratiques tes affaires, ben il faut que tu pratiques avec le vrai monde. Puis, fait que là, ben dans cette optique-là, ben on va pratiquer seulement le 2 janvier à Girardville, le soir, le samedi soir à 8 heures. Puis, en attendant, les jeunes, ben ils vont presque tous partir de l'équipe de hockey, puis ils vont quand même jouer au hockey là, de part et d'autre quand ils vont avoir des possibilités avec des places libres un peu chacun dans leur municipalité de résidence. Okay. Puis moi, ben en attendant, ben avec ma belle-sœur Hélène, ben je me nourris le béton. Ben oui, tu nourris le béton, puis le coach des Huskies qui est dans le coin. D'ailleurs, j'ai enregistré une entrevue que vous allez pouvoir entendre cette semaine dans la programmation spéciale du temps des fêtes. Donc, il est heureux, le coach, mais avec raison. Ah, effectivement, on est bien content pour lui. Là. Il est justement chez moi, là, présentement. Là. Fait que là, sont toute la famille, là. Ma conjointe Edith, puis sa Gilles, puis leur soeur, la soeur Hélène, dans la plus vieille de la famille Hélène. Donc, on est tous réunis là, pour fêter Noël. Gilles repart le 25 au midi. Puis là, c'est nous qui montons passer le jour de l'an à Rouen. Bien, Daniel, un gros merci. Félicitations pour ton début de saison. C'est pas mal le fun d'avoir des entrevues avec toi. Puis au plaisir de se reparler en 2016, tout début 2016. Ben écoute, Danny, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une très belle année 2016 avec beaucoup de joie, de santé, puis de bonheur, puis c'est toujours agréable de te parler. L'instructeur-chef des Castors de Delbeau, Daniel Tremblay.